À partir de ce jour-là, Madame Roland est souvent prise de malaise et semble aller de plus en plus mal. Pierre, de son côté, n'est pas en forme et ne voit sa famille qu'au moment des repas, tandis que Jean est presque installé dans son nouvel appartement. Pour fêter ce nouveau logement, Jean organise une partie de campagne et la famille, avec Madame de Rosémilie, part pêcher dans les rochers. À cette occasion, Jean déclare son amour à Madame de Rosémilie et lui fait sa demande en mariage, alors qu'ils sont un peu isolés du groupe familial.